Répondez selon le modèle. Tu as acheté le journal ? Non, achète-le. J'ai oublié de l'acheter. Tu as porté les chemises au pressing ? Non, porte-les. J'ai oublié de les porter. Tu as mis du sel dans les pâtes ? Non, mets-en. J'ai oublié d'en mettre. Tu as téléphoné à Marie ? Non, téléphone-lui. J'ai oublié de lui téléphoner. Tu es allé à la banque ? Non, vas-y. J'ai oublié d'y aller. Tu as acheté de l'eau minérale ? Non, achète-en. J'ai oublié d'en acheter.